Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent, Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros étaient offerts sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 4 avril... 1949, le jour de la fondation de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Sur le papier, c'est une alliance politico-militaire des pays occidentaux. Dans les faits, un regroupement stratégique autour des États-Unis. Les premiers pays signataires étaient... alors. Outre les États-Unis, bien sûr, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, le Canada, le Danemark, l'Italie, l'Islande, la Norvège et le Portugal. On imagine que la date de création est tout sauf fortuite. Ah mais en effet, on est en pleine guerre froide, moins de 4 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'assurer la stabilité de la partie occidentale du continent européen sous l'aile de Washington. L'année précédente ont eu lieu le coup de Prague, le blocus de Berlin, autrement dit le bloc communiste à l'Est est devenu agressif. L'OTAN est dès lors orienté contre l'URSS. D'ailleurs, en 1955, les soviétiques créent de leur côté une sorte d'équivalent de l'OTAN qui va s'appeler le pacte de Varsovie. Mais dites-moi, De Gaulle a retiré la France de l'organisation? Alors oui, disons qu'un peu plus tard, en 1966, le général De Gaulle voulait une France indépendante, vous savez, non alignée. Il entendait profiter du statut de la France puissance atomique désormais, sans pour autant remettre en cause l'alliance occidentale. Attention, ne nous trompons pas là-dessus. La France a donc quitté, non pas l'OTAN, mais le commandement intégré de l'OTAN. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'en 2009, le président Sarkozy est revenu sur cette position et a fait rentrer la France dans le commandement intégré. Là, je vous avoue que je n'en sais rien. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Pour une émission consacrée au grand ministre Choiseul.